بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Nous abordons aujourd'hui notre troisième devoir vis-à-vis du prophète صلى الله عليه وسلم. Ce troisième devoir qui n'est autre que le fait de l'aimer صلى الله عليه وسلم. Faut savoir que ce noble principe-là n'est pas un slogan que l'on brandit, mais c'est plutôt une réalité que nous devons suivre et une voie sur laquelle nous devons impérativement cheminer. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous a rendu obligatoire un certain nombre de devoirs que nous devons observer vis-à-vis de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ces devoirs sont tantôt liés à ce que nous devons ressentir comme conviction dans nos cœurs, et tantôt à ce que nos langues peuvent prononcer, ou à ce que nos membres peuvent accomplir comme acte. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam compte parmi les plus éminentes obligations religieuses. De même qu'il a dit, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde, de la même manière que le fait de l'aimer constitue la base de la religion, la complétude de cette dernière passe par la complétude de l'amour que nous éprouvons vis-à-vis de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'inverse est également vrai. Il faut savoir que les gens de savoir, de science, ont expliqué que l'amour du prophète alayhi salatu wassalam est de deux sortes. Il est un amour qui est obligatoire et un autre qui est recommandé. Le premier type d'amour correspond au degré de ceux qui s'en tiennent aux obligations religieuses. Quant au second, il correspond au degré de ceux qui sont devanciers. Le premier type d'amour contient le fait que l'individu aime plus le prophète que sa propre personne, que ses parents, que ses enfants et que l'ensemble des gens. De même que cela inclut de ne pas faire prévaloir sur son amour, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour d'une quelconque créature. C'est ainsi que l'individu n'aime que ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, aiment. Il faut savoir que l'amour du messager, alayhi salatu wa sallam, fait partie de l'amour que nous devons éprouver pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est obligatoire d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam aime, ainsi que de détester ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam détestent. Allah jalla wa azz a dit: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu ne trouveras pas de gens qui apportent foi à Allah et au jour dernier aimer ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Sourate Al-Mujadala, verset numéro 22. Ce degré-là, c'est le degré de ceux qui s'en tiennent à ce qui leur est religieusement obligatoire. Et cela correspond à l'amour obligatoire. Quant à l'amour éprouvé par les individus devanciers, il consiste en ce que l'individu croyant, obéissant et suivant les ordres divins et prophétiques, aime ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam aime en matière d'œuvres complémentaires, et que cet amour-là soit complet, et qu'il fournisse des efforts afin de les accomplir de la meilleure des manières et de la manière la plus parfaite, comme cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que les gens, dans la conception qu'ils ont de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont de trois sortes. Il y a deux extrêmes et un juste milieu. Les deux extrêmes correspondant à l'exagération d'un côté et au laxisme et laisser-aller d'un autre. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont été négligents à ce sujet et qui n'ont pas observé les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne se sont pas acquittés de leur devoir vis-à-vis de lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'ils n'ont pas fait prévaloir le fait de l'aimer sur le fait d'aimer leur propre personne, ou d'aimer leurs enfants, ou d'aimer certaines créatures. On peut même trouver certaines personnes qui n'ont pas observé les devoirs de respect et de secours devant être porté à la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même que certaines personnes n'observent pas l'obligation de suivre de manière véridique et véritable le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il en est même qui en sont arrivés à renier le fait qu'il soit un messager. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et d'autres personnes ont exagéré. À l'inverse de cette première catégorie, il est une catégorie de personnes qui ont exagéré dans l'amour qu'ils prétendent éprouver pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils en sont arrivés à légiférer en matière de religion des choses qui n'ont pas été rapportées dans la sunna et qui n'ont pas été mentionnées dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui n'ont pas été accomplis par les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bien souvent, ces personnes font cela en pensant bien œuvrer, alors qu'il n'en est rien. Il faut savoir que ces transgressions commises par ces deux catégories extrémistes ont des causes. Et parmi les principales causes de cela, premièrement le fait de se détourner du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce détournement soit dû à un penchant passionnel ou à une ambiguïté. Également parmi ces causes-là, l'ignorance relative à beaucoup de sujets religieux. Parmi ces sujets-là, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième cause, le fait que certaines personnes pensent qu'il est suffisant de reconnaître la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour concrétiser ce principe d'amour, et qu'il n'est pas impératif d'observer les autres devoirs à ce sujet. La troisième catégorie de personnes, c'est la catégorie de ces personnes qui sont dans une voie de juste milieu. et qui chemine sur une voie droite, la voie empruntée par les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que leurs disciples et ceux qui auront suivi leurs traces. Ces gens-là ont concrètement aimé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont accompli ce qu'implique cet amour-là en termes de paroles, d'actes et de convictions. En fournissant de grands efforts afin de secourir la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam étant donné qu'ils ont su que le fait de l'aimer sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur le fait d'aimer sa propre personne, ses enfants, les membres de sa famille et l'ensemble des gens. Ils ont également su que la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur leur propre personne. Et c'est ainsi qu'ils ont sacrifié leur personne, leurs âmes et leurs biens pour sa cause sallallahu alayhi wa sallam. الله تبارك وتعالى أجي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. سورة التوبة le verset numéro 120. الله تبارك وتعالى أجي dans la traduction approchée du sens de sa parole, il n'appartient pas aux habitants de Médine et aux bédouins vivant autour d'eux de traîner loin derrière le messager d'Allah ni de préférer leur propre personne à la sienne. Ces gens-là, cheminant sur cette voie de juste milieu, se sont donc écartés de toute exagération et de tout laxisme. Et ils ont mis en pratique, en réalité, ce que le messager, alayhi salatu wassalam, avait ordonné, étant donné qu'ils ont su qu'il est le modèle et l'exemple à suivre. C'est ainsi qu'ils n'ont pas transgressé et n'ont pas dépassé les limites qu'il avait lui-même tracées, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'ils l'ont considéré à sa juste valeur et qu'ils lui ont accordé la place qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordée. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « قُلْ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. من سورة الأعراف الفرس numéro 188. الله تبارك وتعالى dit dans la traduction approchée du sens de sa parole dit: je ne détiens pas le pouvoir d'apporter de moi-même profit ou dommage sauf ce qu'Allah veut. Et si j'avais connaissance de ce qui m'est caché, j'aurais eu des biens en abondance et le mal ne m'aurait pas touché. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur à l'attention de gens qui ont la foi. Donc il faut savoir que toute exagération concernant le prophète alayhi salatu wassalam ne fait pas partie de l'amour que nous devons éprouver pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, même si les gens qui s'en rendent coupables prétendent ne faire que concrétiser ce principe d'amour. Il est plutôt obligatoire de s'écarter de cette exagération-là, étant donné que cela s'oppose aux ordres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De même que toute négligence doit être rejetée à ce sujet, et on se doit donc de s'orienter vers le juste milieu synonyme de perfection. Quant à la personne qui s'en détourne, elle est certes dans une situation inquiétante, alarmante et dangereuse. Abordons à présent les preuves issues de la sunna appuyant l'obligation du fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que ces preuves-là sont nombreuses. Parmi elles, ce qui a été recueilli par Al-Bukhari dans son authentique. Comme récit relaté par Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui a rapporté qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je t'aime plus que toute chose, excepté ma personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, non, par celui entre les mains de qui réside mon âme, il faut que tu m'aimes plus que ta propre personne. C'est alors que Omar, radiyallahu an, a dit, à présent, par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, c'est maintenant que tu as adopté la bonne position, ô Omar. Bien sûr, ici c'est une traduction approchée du sens de ce hadith. Ce hadith qui est un texte formel et clair et une preuve tranchante appuyant le fait qu'il est obligatoire de faire prévaloir l'amour du messager alayhi salatu wassalam sur l'amour que l'on éprouve pour nos propres personnes. Parmi les textes prophétiques qui peuvent être mis en avant également à ce sujet, ce qui a été recueilli dans les deux authentiques selon un récit de Anas qui a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, aucun d'entre vous ne sera croyant tant que je ne serai pas plus aimé de lui que ses parents, ses enfants et que l'ensemble des gens. Muslim a recueilli dans son authentique un hadith rapporté par Abu Huraira, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les membres de ma communauté, qui m'aiment le plus, il est des gens qui vont venir après moi. L'un d'entre eux serait prêt à sacrifier sa famille et ses biens pour me voir. Donc ce sont autant de preuves qui mettent en évidence l'obligation du fait de faire prévaloir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de toute créature. Et parmi les manifestations de cet amour-là, il y a le fait de souhaiter le voir et le rencontrer, comme nous pouvons le retenir du hadith que nous venons de mentionner. Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, a décrit la joie qui a envahi les habitants de Médine lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y est arrivé. En effet, Al-Bara a relaté la chose suivante. Il a dit, je n'ai pas vu les Médinois être aussi réjouis d'une chose que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Également, parmi les manifestations de cet amour-là, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et le fait de le prendre pour modèle et de suivre ses pas et de cheminer sur la voie de sa sunna, comme nous avons pu le voir de manière plus détaillée précédemment. Et parmi les marques de cet amour-là, également les manifestations de l'amour que l'on éprouve pour le prophète, alayhi salatu wassalam, le fait d'aimer les gens aimés par le prophète, alayhi salatu wassalam. À titre d'exemple, ses épouses, ou encore les membres de son foyer. Il fait partie des fondements des adeptes de la Sunna, du groupe uni sur la vérité, d'aimer ces gens-là. Comme l'a notamment cité le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Également le fait d'aimer les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier disait, sallallahu alayhi wa sallam, le signe de la foi, c'est le fait d'aimer les auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons qui avaient émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, de continue en disant, et le signe de l'hypocrisie est de détester les auxiliaires. C'est un hadith qui est unanimement reconnu authentique dans le sens où il est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith qui est rapporté par Anas. Toujours dans les deux authentiques, selon une narration de Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs gens sont ceux qui vivent à mon époque, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Et toujours dans les mêmes recueils authentiques, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de Uhud en or, il n'arriverait pas à l'équivalent du Mud de l'un d'entre eux, ni même à sa moitié. » On aura donc retenu aujourd'hui l'importance du fait d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de faire prévaloir son amour sur l'amour de toute créature. Et on va s'en tenir à cela. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.